L'effet placebo. Cet effet, souvent utilisé en recherche médicale, sert également dans le cas de pathologies où il n'existe pas de remèdes efficaces. Dans les maladies psychosomatiques, le lien entre le corps et le psychisme étant bien établi, le placebo obtient souvent de bons résultats. Il sert de traitement de support psychologique pour aider une personne pendant une période assez courte de baisse de morale. Il ne peut combattre les causes d'une maladie, seulement en atténuer parfois les effets. Les patients traités par cet effet ont normalement un profil bien précis, période de faiblesse psychologique avec ou sans cause physiologique avérée. Leur traitement relèverait en principe d'une prise en charge psychologique. Lorsque cette faiblesse est légère et passagère, un petit coup de pouce est généralement suffisant. Souvent, il peut se concrétiser par un cadeau fait à soi-même afin de tourner la page d'un état de pessimisme conjoncturel. Pour certains, dans un acte de démission, la solution devra revêtir un caractère médical, c'est-à-dire validé par une autorité extérieure en qui il se remet. Celle-ci lui proposera des médicaments qui ne seront en fait que des produits inactifs. Le rapport avec le soignant et sa personnalité aura par contre une grande importance dans le traitement. Ce soignant doit être parfaitement convaincu de l'efficacité des produits proposés pour transmettre l'effet positif du placebo. La confiance générant des résultats, les produits utilisés pourront resservir dans les mêmes circonstances avec les mêmes effets. Ainsi, il est établi que la croyance dans les effets d'un produit peut générer la réalité de cet effet. Par analogie, on voit bien qu'une fausse information peut se transformer en vérité indiscutable pour tous ceux qui en sont convaincus. Faut-il se convaincre que tout est communication, que le réel n'a pas plus de valeur qu'une information bien tournée, et renvoyer dos à dos raison et fiction? À ce stade, il faut distinguer l'utilisation intelligente et honnête du placebo de celle qui relève de l'escroquerie intellectuelle. Tromper autrui involontairement est de la maladresse, mais lorsque c'est conscient et calculé, c'est alors de la manipulation, détestable et condamnable. Je crois qu'il y a un réel danger à se laisser emporter dans un irrationnel qui nous écarte du réel. D'abord, il faut réussir à distinguer ce qui relève d'une pathologie d'origine externe d'une autre origine psychosomatique, afin de bien choisir son traitement. Le mental ne peut pas vaincre tous les maux, même si sa participation est indispensable à la guérison. Savoir se prendre en charge en dosant l'apport d'une aide extérieure est la recette d'un rétablissement optimum. Au final, c'est à chacun d'entre nous de savoir d'une manière pragmatique si telle ou telle solution lui fait du bien, et cela de la façon la plus durable possible. Ayant chacun une histoire propre, il n'est pas anormal d'avoir différentes façons de se soigner.